tes mélodies et tes violons. J'ai perdu l'adresse loin d'ici. La route me revient comme par magie. Je reconnais cette rue. Venir ici me remue. Je vais bien. Le sol pleure et s'assombrit.